Moi, je recherche une femme à forte poitrine. Histoire de me développer. De développer mes muscles. Non, je sors. Ok, je sors. Oh, Karma, il est parti, hein, il est fatigué. Il est encore là, Karma. Tu t'en vas ? T'es fatigué. Je peux se dire chouette.